Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana mibariki kwa utajiri yote. Et bien aimé frères et sœurs. Dio bapendwa ndugu na dada. Nous sommes là pour la parole. Tuko hapa juu ya neno. Le temps de la préparation. Wakati ya matayarisho. Dès le premier jour, j'ai dit ceci. Tangia siku ya kwanza nilisema hivi. Que tous nous sommes en préparation. Che bote tuko matayarisho. Et le monde est en préparation. Na dunia iko matayarisho. De son côté, ngambo yake, et l'église aussi se prépare. Na kanisa nayo pia nayo kunajitayarisha. Oui, bien aimé frères et sœurs. Dio wapendwa ndugu na dada. Nous prions le Seigneur. Tuko naomba Bwana. Tant de paix, Dieu d'amour, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde. Baba mwema, baba wa neema na wa rehema. Nous te disons grand merci. Tunasema asante sana. Pour cette circonstance. Juu ya wakati nzuri. Pour l'occasion. Juu ya bahati. Pour Seigneur le souffle de vie. Juu ya uzima yako. Pour Seigneur cette réunion. Juu ya mkusanyiko Bwana. Ce n'est que par ta grâce que nous sommes venus ici. Kupitia tu neema yako tunakuwa hapa. Aide-nous Seigneur. Utusaidie Bwana. Ton église est venue t'écouter toi. Kanisa ilikuwa kushikia wewe. Sio pas venir écouter un homme. Atuwe kushikia mtu. Viens au Seigneur. Bwana, viens kuja au Bwana. Nous avons des requêtes. Tuko na mahitaji. Nous avons des demandes. Tuko na maombi. Nous avons des problèmes. Tuko na mambo. Toi tu es la solution. Wewe uko na jibu. Toi tu es la guérison. Wewe uko matunzo. C'est toi qui es notre paix. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Guéris tous ceux qui sont malades, Seigneur. Console les affligés. Donne la paix à ceux qui n'en ont pas. Viens nous bénir, Seigneur Dieu. Et viens nous avertir par ta parole. Que nous soyons ceux qui se préparent pour ta gloire. Pour la gloire au Seigneur. Et non pas pour notre propre destruction. Aide chacun de nous. Dispose nos cœurs. À écouter ta parole, Seigneur. Donne-nous la foi véritable. Que celui qui est entré si malade. Qui sort de cette maison guéri. Atoke mui nyumba mui kupona. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Au nom de Jésus-Christ Père. Mujina Bwana yetu Yesu Kristo Baba. T'avons prié, nous t'avons demandé par la foi. Amen. Na kuomba na imani. Amina. Bien aimé frères et sœurs. Mapendwa ndugu na dada. Le message que nous croyons. Ujumbe ishe tunamini. Ce message, c'est le message de la préparation. Et ujumbe ni ujumbe ya matayarisho. Le Seigneur parti nous préparer une place. Bwana renda kutayarisha fazi. Et il nous envoie son message. Na natutumia neno yake ujumbe yake. Pour que l'église aussi se prépare. Juu kanisa nayo pia jitayarishe. Le message c'est la parole de l'air. Ujumbe ni neno wa mwi wakati. La nourriture spirituelle. Chakula ya kiroho. Au temps convenable. Wakati inayofa. Oui bien mes frères et sœurs. Dieu bapendwa ndugu na dada. Pour vaincre la Odyssée, cet âge mauvais. Juu ya kushinda hiki kizazi kibaya cha la Odyssée. Frère, il faut ce message. Inafai paka hii ujumbe. Sans le message frère. Bila hii ujumbe nduku. Tu ne peux pas vaincre cet âge mauvais. Hautashinda hiki kizazi kibaya. Dieu est spécial dans ce qu'il fait. Mungu wako upeke mnamna yake ya kutenda. Oui bien mes frères et sœurs. Dieu wapenda ndugu na dada. Et tout ce qu'il donne. Na bile biote kunaleta. Tout ce qu'il a fait. Bile biote alifanya. Était bon. Iko paka mzuri. Des voies de Dieu sont droites. Manjia Mungu ni ya kunyoloka. Tout ce que Dieu fait. Bile biote Mungu anafanya. Est bon. Iko mzuri. Même si toi qui trouves ça pour un certain moment mauvais. Mais cela est bon. Et tu comprendras plus tard que Dieu avait raison. Même si tu es dans une déception, et tu te poses des questions. Mais pourquoi ceci m'arrive? Ma sœur, Dada Yang, tu comprendras un jour que c'était la volonté de Dieu. Bien aimé frères et sœurs, pour vaincre la Odyssée, cet âge mauvais, Dieu nous a tout donné, tous les conseils pour vaincre cet âge mauvais. Le message, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ce qui fait notre différence entre nous et les dénominations. Frère, Nduku, mais d'où viennent toutes ces confusions? Ça, yote wapi. Dans la parole de Dieu, ya Mungu, il n'y a pas la confusion. Amuna mvuruko. Écoutez, nous avons lu hier, nous lisons aujourd'hui. Nous lisons encore. Paul. Ce que Paul dit ici a une importance très capitale. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas aussi deux messages. Ou plusieurs messages. Mais il y a des gens, de faux soins, de faux prédicateurs qui embrouillent les enfants de Dieu. C'est ce que Paul dit. Écoutez Paul. Nous l'avons lu. Je le répète encore. Galatia. Ou bien allons directement dans Timothée. Pour aller un peu rapidement. Parce qu'on a lu Galates hier. Bon, ça va. Comme nous sommes déjà là, nous lisons. Galates chapitre 1. 9e verset. 6e à 9e verset. Nous lisons. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Paul a regardé les Galatiens. Et il était étonné. Oh. Les Galatiens. Qui vous a ensorcelé? Pour passer à un autre évangile. Dans le message, il n'y a pas la confusion. La confusion Mufuruko est dans les têtes des gens. Non pas qu'il y a un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. C'est la vérité. Ce sont des esprits de longtemps. Ni maro ya zamani. Oui, bien, mes frères et sœurs. Des gens qui des troublèrent des gens. Des séducteurs. C'est la vérité, bien, mes frères et sœurs. Ils sont beaucoup. Il n'y a pas deux messages. Hakuna maujumbe mbili. Il n'y a pas trois messages. Hakuna maujumbe tatu. Il n'y a que des troublés. Uko paka bale batu wa kufuruka bantu bengine. Un prédicateur kukasai. Mubiri mwa kukasai kule. Il dit. Anasema. Écoutez un peu. Mushiki. Nous croyons que tunamini ya kwamba Jésus est déjà venu. Yesu ashakuya. Par le Saint-Esprit. Nous croyons aussi que Jésus n'est pas encore venu pour pour élever l'église. Parce qu'il croit que la seconde prière déjà il y est. Frère, ça c'est que l'évangile. Et qu'est-ce que les gens vont comprendre? Jésus est venu ou il n'est pas venu? Non, nous croyons que Jésus est déjà venu par le Saint-Esprit. Et nous ne croyons pas que Jésus n'est pas encore venu pour élever l'église. Le Saint-Esprit des syndicats. À la Pentecôte. Et le frère Branham dit, depuis que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas retourné. Il est encore ici. Là, c'est pour justifier la seconde venue. Branham n'a jamais fait de telles déclarations. Ce sont ces faux joueurs-là qui troublent les enfants de Dieu. C'est la vérité, bien, mes frères et sœurs. Timothée, Timothée, chapitre 1, 6e verset. Kwanza, Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, j'allais dire. Timothée, Kwanza, chapitre 6. Sura Kiasi. 3e verset au 4e. Écoutez. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Et c'est ça le premier signe de tous ces frères-là qui croient des fausses doctrines. Ils sont trop orgueillés. Ils pensent qu'il n'y a qu'un qui croit. Ils appellent les autres, ce sont des pentecôtistes, frères. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est vrai, frère? Ce sont des pentecôtistes. Par l'ignorance. Les messages que nous croyons, frère, nous retournent à la Pentecôte. Nous retournons en Jérusalem. Le frère Branham est venu nous ramener à la première église. Qu'est-ce que Malachi dit? Il ramènera les cœurs des enfants au Père. Le message nous retourne là-bas à la Pentecôte. Nous ne sommes pas dans le pentecôtisme, mais nous sommes des vrais pentecôtes. C'est la vérité, frère. Nous sommes des vrais pentecôtes. Ce sont des orgueillés. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Ce sont des hommes qui ne savent rien. Un jour à Kinshasa, avec le frère Ngoï qui était vers Bukama, mais qui est maintenant à Kinshasa, on avait reçu quelques frères qui étaient des tonnerres révélés, des pasteurs. Ils croyaient à la révélation de ces tonnerres. Ils sont venus pour qu'ils commencent à communier. On leur dit non, nous ne croyons pas de la même manière que vous. Comment est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus? Vous, enseignez-nous que les tonnerres sont révélés par les prophètes. Nous allons vous enseigner que ce ne sont pas révélés. Alors, nous allons prendre du côté qui est la vérité. Vous avez la parole, enseignez-nous, démontrez-nous. Est-ce que vous êtes là? Des pasteurs. Pas des brebis. Frère. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. On a pris des branchures. On a démontré démontrer qu'ils se sont divisés parmi eux. Mais oui, ça c'est le prophète. L'autre, leur ancien refuse. Les autres ont accepté. Frère, qu'est-ce qui va vous débraler? Nous sommes dans la vérité. Conforme seulement ta vie à la parole. Ne t'étonne pas de ça et là. C'est la vérité, frère. L'église de Dieu vivant. Paul dit quoi? Il a la maladie de questions. Beko na magonjwa ya maulizo. Wazeze. Maulizo. Pasi pala. Ya huku na huku. Et de dispute de mots. Na mabishano ya mamisemo. Dunes l'envie. Mule muna zari kwa mania. Et le querer. Matamana makokotano. De calomnie. Makusingiziana. Et de mauvais soupçons. Na makuwaziana kubaye. C'est la vérité. Nibia kweri. Il s'accroche par la parole. À la vérité. Ukweli. Tous ces gens, frères, qui croient de fausses doctrines, qui ne s'attachent pas à la sainte doctrine, que toi tu crois, que nous croyons, ils sont dans l'impréparation. Pas dans l'enlèvement pour eux. C'est la vérité, frère. Ils sont séduits. Ils sont troublés. Le Saint-Esprit ne confirmera jamais l'erreur. Retenez ceci, Église. Chaque fois que Dieu envoie sa parole, comme aujourd'hui, Dieu nous a envoyé son message. Chaque fois que Dieu envoie sa parole, le diable vient aussi. Chercher à introduire sa semence. Matthieu. Matthieu. Chapitre 13. Nous lisons la parabole de l'ivraie. Vingt-quatrième verset. Nous commençons par là. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume des cieux semblable à une personne qui a semé la bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema des livrées parmi les bleus. Pendant que les gens dormaient, son ennemi, toutes les confusions là, fait ses lèvres de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il y a même des païens qui opèrent aujourd'hui de quoi ce bon message que nous avons. Ils pensent que nom de Branham, ils adorent Branham. Quand je crois là-bas, je vais commencer à adorer Branham. Tu vois? Et ça empêche beaucoup de gens. À quoi le message? C'est l'œuvre de Satan, frère. Tous ces gens-là ne sont pas des frères. Ils sont séduits. C'est la vérité. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est Satan qui fait cette œuvre-là. Ils viennent semer des interprétations particulières, de fausses doctrines, pour éloigner des gens du message. C'est Satan qui fait ça. Lisez jusqu'en bas. Et le pain sera le feu. Si vous lisez jusqu'en bas. C'est le feu qui les attend. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Oui. fausses ouais. Et parce que nous ne lisons pas les prophètes. Écoutez vous-même. Il faut madame aussi apprécier ça. Contre ces fausses doctrines. Le Dieu de cet âge mauvais. Je vais vous lire cela. Je commence un peu en bas ici. Écoutez. C'est 37. Je vais commencer à sauter. Nous voyons donc que cet âge mauvais, c'est pour prouver à Satan qu'il n'est pas comme Ève. Qu'il n'est pas comme Ève. Ève était qui? La femme d'Adam. Écoutez maintenant, suivez-moi comme il faut. Nous voyons comme que pour prouver à Satan que qui veut prouver à Satan ici? C'est pour prouver à Satan qu'elle n'est pas comme Ève. Que cette épouse, l'épouse de cet âge ici, n'est pas comme Ève. N'est pas comme ce genre de femme. Elle sera, écoute, cette épouse de cet âge ici, l'épouse, elle sera éprouvée par la parole. Par la parole, frère. Écoutez. Comme la femme d'Adam le fit par la parole. Et l'épouse la femme d'Adam croyait chaque portion de la parole. Il croyait ça. Elle croyait tout. Mais elle a été embrouillée. Il a été embrouillé. Comme Paul l'a dit. C'est comme ça le frère Branham dit. J'ai péché comme Paul. Paul dit, Galates chapitre 1, verset 6 et 9 que nous avons lu. Il y a des gens qui vous embrouillent. Et le frère Branham répète ces mots-là. Il dit, Ève a été embrouillée. Par qui? Par un faux prédicateur. Satan, tous les faux prédicateurs qui prêchent de fausses doctrines sont inspirés par Satan lui-même. C'est la vérité. Attendez. Vous allez écouter ça. Elle est embrouillée sur une seule promesse. À savoir. Qu'il est aujourd'hui le même hier pour toujours. Dieu est toujours le même hier aujourd'hui. Ève fut éprouvée par la parole. Et s'il est le même, l'épouse aussi de cet âge, toi et moi, nous devons aussi être éprouvés par la parole. Voyez, mais elle a failli. Suis une promesse lors de la tentation par l'ennemi dans un face à face. Ainsi donc, le peuple qui est appelé à porter son nom, toi et moi, nous qui sommes appelés à porter le nom de Jésus aujourd'hui. Bien sûr, c'est son épouse. Écoutez que c'est comme il faut. Elle aussi, elle doit entrer de nouveau en contact avec cette même chose. Elle devait aussi être éprouvée aussi. Écoutez maintenant. Non pas juste avec une vérité dénominationnelle. Ou quelque chose de ce genre. Ou quelque chose de comme cela. Non. Mais avec la parole. Est-ce que vous êtes là? Une sœur ici. Des frères ici. Quand tu lui dis, alors priez Marie. La sœur ne sera pas séduite. Le frère ne sera pas séduit. Mais c'est là où nous aussi nous croyons les messages. Nous aussi nous avons accepté les prophètes. Est-ce que tu es là? Le pouls de cet âge ici ne sera pas éprouvé par une vérité dénominationnelle. Mais par la même parole, le diable vient, il introduit ses interprétations, et c'est ça qui séduit beaucoup de gens. Quelqu'un vient, non, du message, on doit commencer à regarder le soleil, on doit commencer à marcher pieds nus. Est-ce que vous êtes là? Ils sont beaucoup. Comme ça. Bavile. De faux mouvements. Bah, des diables. Ya Shetan. Des démons. Bah, démona. Des arc-en-ciel. Bah, il est ma Kongolo. Pour que tu deviennes prédicateur là-bas, tu dois aller te former si c'est à Kinshasa. On pas ou on ne sait pas. Ah, oh, fashinina tuju. De nouvelles lumières. Bantu banuru mupia. Et il faut du mal aujourd'hui à l'église. Il y a un pasteur ici, je ne cite pas son nom. Qui est devenu aveugle Okatang. Qui est devenu aveugle. Il avait un problème des yeux. Les gens nous suivent partout. Je ne peux pas citer son nom. C'est mon papa. Je l'appelais papa. Il avait un problème des yeux. Il reçoit un prédicateur qui est venu de Kassai. Non, nous allons manifester Dieu. Nous allons manifester Dieu. Nous allons faire des cérémonies. Il amène dans la rivière. Et le vieux malade, il s'est laissé. Pour qu'il prenne des sables. On lui jette dans les yeux. Frère, Nduku, que Dieu nous aide. Mungu atusaidi. Jusqu'à ce que le vieux voyait un peu et après l'avoir lui jeté des sables dans les yeux par un faux prédicateur, le vieux ne voit plus. Est-ce que vous êtes là? C'est l'œuvre de Satan. C'est la vérité, bien aimé, frères et sœurs. Je saute un peu 59. 58, 58. Écoutez, je souhaite pour aller rapidement. Vous voyez, et la tentation, cela devient ce que c'était au commencement. Remarquez bien, n'oubliez pas donc cela. Comment le frère Branham insiste? Pourquoi il insiste? Il veut attirer ton attention. Il veut attirer mon attention. N'oubliez pas. Qu'est-ce qui vient après? N'oubliez pas ici. Comme Jean. Un Jean que nous avons lu hier. Il est Johanna, on commence à tout sommer Jean. Chapitre 4, sura qui a iné, verset 5e au 6e. Si vous voulez noter cela, comme Jean l'appelle, l'esprit de l'erreur. L'esprit de quoi? De l'erreur. L'esprit de l'erreur. Erreur. Faites attention à ce que tu crois. J'ai appelé ça l'esprit de l'erreur. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de l'erreur. Tous ceux qui croient l'esprit de l'erreur, ils sont conduits par Satan. Ils sont séduits. C'est l'esprit de l'erreur. Ève ne s'est pas du tout avancée tout bonnement là pour dire, pour dire libéralement elle veut de lui, de elle-même. Ah, je trouve que l'arbre est bon. Laissez-moi essayer son fruit. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Ève? Ève n'a pas dit délibérément. Je ne crois pas en Dieu. Non. Je ne crois pas en Dieu. Non. C'était une erreur qu'elle avait crié. Elle a crié au mensonge. Elle a crié à l'erreur. Un faux prédicateur l'a embrouillé. Elle aussi a crié. Et quand Satan s'est présenté devant elle, écoutez, Satan ne s'est pas du tout présenté là, disant, oh, eh bien, cela n'est pas la parole de Dieu. Satan, il a reconnu que c'était la parole de Dieu. Quand il voulait séduire Ève. Mais lakini, il y a mis sa propre interprétation. Ce que Dieu leur avait dit clairement de ne pas faire. Et qu'est-ce que cela a entraîné? Le frère Branham va répondre. Qu'est-ce que cela entraîne? Cela induit fortement les gens à croire un mensonge et être condamné pour cela. Eh bien, si vous voulez lire, il donne des références bibliques. De Thessaloniciens chapitre 2, 10e verset jusqu'au 17e. Et cela l'a induit en erreur. Et cela a mené la chute. Si une simple vérité, une simple promesse, un mensonge que Ève a crié, entraîne la mort de toute la race humaine. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? De tous ces mensonges ici qui se pressent aujourd'hui. Frère, les gens que tu appelles des frères là, c'est par la compassion humaine que tu les appelles des frères. Tous ces gens qui croient des fausses doctrines sont séduits. Ça veut dire, frère, c'est dire, hein? Mais c'est la vérité. Ce ne sont pas des frères. Les élites qui sont là-bas vont sortir et croire la vérité. Ils sont induits en erreur. Dieu ne peut pas confirmer l'erreur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Comment le Saint-Esprit va confirmer l'erreur? C'est-à-dire que tous ces frères-là n'auront jamais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Nous lisons de Thessaloniciens. Je vous montre ceux qui sont dans l'impréparation. Et qui se mettent à côté de l'enlèvement. C'est eux-mêmes qui se mettent à côté de l'enlèvement. Ils sont séduits, ils se sont laissés séduire. Écoutez, je crois que c'est le verset. Hein. Écoutez, frère. Oh, que Dieu nous aide. À demeurer dans la parole. 10e verset. De Thessaloniciens chapitre 2. Et avec toutes les séditions de l'iniquité pour ceux qui périssent, par ceux qui n'ont pas Reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvé. Ne pas reçu l'amour. De quoi la vérité. Pour être sauvé. Qu'est-ce qui leur est arrivé. Ainsi Dieu. Leur envoie-t-il. Une puissance d'égarement. Tout se fait là. Sois saisi par la puissance d'égarement. Écoutez bien, frère et sœur. Pour qu'ils croient les mensonges. Ils sont saisis par la puissance d'égarement. C'est comme ça qu'ils croient aux mensonges. Pour qu'ils croient aux mensonges. En fait que Usudi, tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité. Est-ce que vous êtes là? Frère, soyez dans la joie. Quand vous prêchez la vérité, on ne vous prêche pas des sentiments, quand on ne vous prêche pas de l'enthousiasme, si vous avez des conducteurs comme ça, frère, soutenez ces conducteurs-là, aimez-les, priez pour eux, parce qu'il faut garder dans la voie de la vérité. Il faut les aimer. Il faut prier pour eux. Oui, bien, mes frères et sœurs. Afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. Nous avons connu Dieu selon les Écritures. Nous avons été sauvés selon les Écritures. Frère, quand les Écritures m'enseignent, les Écritures commencent à te condamner. Faites attention. Est-ce que vous êtes là? Il est le Dieu de sa parole. Ne discutez pas avec les Écritures. Croyez les Écritures. Obéissez aux Écritures. Obéissez à la parole de Dieu. Marchez selon les Écritures. C'est la vérité, frère. Nous avons connu Dieu selon les Écritures. Si les Écritures me condamnent, je suis condamné. Si les Écritures me justifient, je suis justifié. Si les Écritures te justifient, tu es justifié. Mais si les Écritures te condamnent, la parole, c'est le juge. Le juge, c'est la parole. Cela fait bien, mes frères et sœurs. Vous voyez, Dieu ne peut pas confirmer l'esprit de l'erreur. Non, Apana. Il ne fera pas ça. Il ne va pas confirmer l'esprit de l'erreur. Quand le Saint-Esprit, nous lisons ça. Jacques 14, le verset 15 au 17e. Écoutez ce que la Bible nous dit là-bas. Le verset 15e. Ma sœur, écoutez-moi. Si vous m'aimez, ici c'est le Seigneur, c'est le Maître lui-même qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. En fait, qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de l'erreur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Il ne va pas confirmer les erreurs. Il ne va pas confirmer des faux enseignements. Il ne va pas confirmer des confusions. Fini la confusion. La lumière à Paris. La lumière à Paris. Au temps du soir. La lumière apparaîtra. Mais la lumière à Paris. D'où vient la confusion? Quand la lumière apparaît, c'est pour que, pendant que nous sommes la journée, l'obscurité s'enfuit, la confusion s'enfuit, la lumière du soir apparaît, fini la confusion. Oui, bien, mes frères et sœurs, il n'y a pas une plus grande révélation que Jésus-Christ. Il n'y a pas le plus grand miracle hakuna muujiza munene que Jésus-Christ. Isipokuwa tu Yesu Kristo. La plus grande prédication mahubiri munene kabisa c'est Jésus-Christ. Ni paka Yesu Kristo. La plus grand don le plus grand don Mungu zawadi munene kabisa c'est Jésus-Christ. Ni paka Yesu Kristo. La plus grande révélation ufunulo munene kabisa c'est Jésus-Christ. Ni paka Yesu Kristo. Si nous avons Jésus, kama tuko na Yesu, nous avons tout. Tuko na biote. Si nous avons Jésus, kama tuko na Yesu, nous avons la vie. Tuko na buzima. Est-ce que vous êtes là? Eti mukupali. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Nous balloter par-ci par-là. Qu'est-ce qu'il faut encore te balloter? Nini taweza kupeleka huku na huku? Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura ya 4. Pour ce faire, parce que je n'ai pas la Bible ici. Duku weka shina na Biblia. 14 verset. Mstari wa 14. 14 verset. Mstari wa 14. Tu as besoin. Mungu unahitaji. Que nous devenions. Tupate kuya. Des hommes faits. Batu wenye kueneana. Non pas les enfants. Hapana batoto. Écoutez. Mushikie. Ne sois pas un bébé. Hapana kuya mtoto mchanga. Si nous avons Jésus. Kama tuko na Yesu. Nous avons tout. Tuko na biote. Afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout va de doctrine de nouvelles lumières qui viennent la sœur là. Laissez-moi partir. Ils sont toujours des frères du message. Est-ce que si nous allons les écouter seulement, je ne vais pas rester là-bas. Les gens qui sont séduits. Nous aimons ce que Dieu aime. Nous condamnons ce que Dieu a condamné. Pas de communion avec eux. Ce ne sont pas des frères. Ils sont séduits. Ne participent pas au péché d'autrui. Ils sont dans leur péché. Ne participent pas au péché d'autrui. Frère Didier. Il prêche bien. Il prêche. C'est ça. Il prêche bien. Plus que toi. Il te dépasse en prêchant. Mais il prêche la vérité. Il prêche les mensonges. Ce sont des faussetés. Qu'il prêche. Il dribble les gens. Ils embrouillent les gens. Avec de fausses révélations. Amen. Amen. Nous aimons tout ce que Dieu aime. Nous condamnons tout ce que Dieu condamne. Nous appelons péché à péché. Nous appelons les mal et les mal. Les bien. Chez notre Dieu, il n'y a pas de confusion. Ne soyez pas des enfants. Emportés. Baloté, flottant, par tout va de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse des moyens de la sédition. Pourquoi vous êtes. Nous vous aimons, frère. Tu m'aimes. Tu m'aimes, hein? Nous vous aimons, frère. Pourquoi tu ne viens pas aussi nous visiter? Je vais te visiter là-bas, faire quoi? Toi qui induis les gens en rêve. Est-ce que vous êtes là? C'est grave, frère. On ne peut pas communier avec des gens qui sont dans la. Qui ont pris leur propre voie. Ils ont pris leur propre voie. Ils ont abandonné la voie du sali. Il n'y a pas de communion avec eux. Même s'ils donnent des millions aux prédicateurs, on n'ira pas là-bas pêcher. La vérité est vraie. Même s'ils donnaient des millions, un prédicateur va pêcher là, on lui donne des hélicoptères. On lui donne des millions de dollars. Mais nous n'irons pas pêcher là-bas. Est-ce que vous êtes là? Si vous avez Jésus, kama muko na Yesu, si nous avons la parole, kama tuko na neno, ce que nous avons à faire, kusema kile kitu kuna cha kufanya. Bien frères et sœurs, bien aimés watungu wadugu wapendwa, c'est nous forcer, ni kujikaza. Hébreux chapitre 6, wa Ibrania sura ya 6. Premier verset, mstari wa kwanza, faites un effort, mfanye nguvu, tais-toi, va, tends-toi vers la perfection, wende ku kamilifu, faites un effort, mfanye nguvu. Que les vertus de Dieu, ya Mungu, les espérances de Dieu, ya Mungu, les espérances de la nouvelle essence, ya kuzali kwa mara ya pili, les espérances du baptême du Saint-Esprit, ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, deviennent une réalité dans ta vie. Ipate kuwa ya kweli ndani ya maisha yao. Reposte. Nduku, c'est pourquoi Dieu commande. Laissant les éléments de la parole Benye de Christ. Ile machembe ya neno ya Kristo. Nous avons déjà créé. Tusha kuamini. Nous sommes dans la bonne position. Tuko mwali mzuri. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? Cette fois, tufanye nini sasa? Il faut nous grandir. Inafasa kukome. Écoutez. Mushiki. Tando à ce qui est parfait. Tuende kukie kinyakuwa kikamilifu. Tando nous maintenant. Tuende sasa. À ce qui est parfait. Kile kinyakuwa kamilifu. Cherchons des bénédictions de Dieu. Tafute mabaraka ya Mungu. Dieu de la parole. Huku ndani ya neno. Tu n'as plus besoin de la rêve de nouvelles révélations. Auhitaji tena mafunuo ya sasa. Tu n'as plus besoin de nouvelles enseignements. Auhitaji tena mafundisho ya sasa. Tu as besoin. Unahitaji de grandir dans la foi. Kukomea mungia. De te tendre. Ya kunyoroka kushimama mu imani. De te tendre. Ya kunyoroka kwenda yule. Vers la perfection. Ya kwenda kuikamilifu. Dis à Dieu. Mwambie Mungu. Je suis ta fille. Niko binti wako. Je suis ton fils. Niko mwana wako. Seigneur. Bwana. Brise ce qui ne t'honore pas. Vunja kila kikuheshimishwe ndani yangu. Ôte les mensonges à moi. Tosha buongo ndani yangu. Ôte l'impudicité à moi. Tosha buzinifu ndani yangu. Ôte le mal à moi. Tosha ubaya ndani yangu. Perfectionne-moi, Seigneur. Unikamilishe Bwana. Que je vienne semblable à toi. Pate kuwe mwenye kufanana na wewe. Tendons-nous à ce qui est parfait. Tuende kukile kinyakuwa kikamilifu. N'ayez pas peur. Oga. De la nouvelle essence. Ya kuzali kwa mara ya pili. Ne faut pas avoir peur de ça. Hapana kuwa na oga ya ile. Ne faut pas avoir peur. Hapana kuwa na boka. Du baptême du Saint-Esprit. Ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Il faut prier Dieu. Inafai kuomba Mungu. Seigneur. Bwana. Baptise-moi de ton esprit. Unibatize na Roho Mtakatifu yako. Seigneur. Bwana. Change-moi. Badilisha. Ce qui ne t'honore pas dans ma vie. Enlève ça, Seigneur. Donne-moi la force de vaincre le mal. De vivre pour toi. C'est ce que nous sommes appelés, frère. À nous tendre vers ce qui est parfait. À devenir parfait comme lui. À devenir saint comme lui. Si nous avons Jésus. Nous avons tout. C'est la vérité, frère. Jésus est la parole. Jésus est la vérité. Comme nous avons la vérité ici. Comme nous avons la parole ici. Nous avons tout. Expérimente-toi seulement avec la parole. Expérimente-toi seulement avec la parole. Oui, bien aimé, frères et sœurs. C'est la vérité, église de Dieu vivant. Que Dieu nous aide vraiment. C'est la vérité. L'église de Dieu vivant. Quel temps nous sommes en train de vivre? C'est le temps de la préparation. Ouvrez les yeux. Ouvre tes yeux. Et regarde ce monde ici. Quand vous êtes devant la télévision, ne mettez pas tout simplement des séries et des histoires comme ça. Mettez aussi l'information pour que vous sachiez comment le monde est bouleversé. Comment le monde est en train de sombrer? Comment le monde où nous vivons toi et moi est dans le chaos? Ouvrez les yeux, frère. Quel temps vivons-nous? C'est l'âge de la mort. Nous voyons la mort partout. Le Seigneur Buana a reproché les pharisiens parce qu'ils ne pouvaient pas discerner les signes des temps. Jova kuweza kutambua malama ya mwakati. On a lu ça hier. Tulisoma jana. Bien mes frères et sœurs. Mapendo ndugu na dada. Le temps est venu. Wakati nesha kuya. Que chacun de nous. Kila mmoja wetu. Puisse. Apate. Ouvrir ses yeux. Fungula macho yake. Et regarder ce qui se passe dans le monde. Na angalie bibi napitika na mduni. Ce n'est plus le temps de la distraction, frère. Anatena wakati ya kulenga manduku. Romain, postez-moi en Romain. Wa Roma. Donc commence d'abord par Esaïe. Isaïe 21. Isaïe 21:1. 21:11. Écoutez. 21:1, mstari 11. Isaïe 21. Isaïe 21:1. Verset 11 au 12. Mstari ya 11 mpaka 12. Oracle sur Duma. Matabiri yuri ya Duma. Oracle de Duma. Matabiri yuri ya Duma. C'est Dieu qui prononce l'oracle sur Duma. Ni Mungu anasema hii matabiri yuri ya Duma. Duma ce sont les enfants de Esaü. Duma ilikuwa ni watoto wa Esaü. Le pays des enfants de Esaü. Inchi ya watoto wa Esaü. C'est Duma. Ilikuwa ni Duma. On crie de Seir. Banalamika kutokea kule ku Seir. Ils vivaient dans la montagne de Seir. Bali alikuwa anaishi kumlima wa Seir. Sentinelle. Jamu. Que dis-tu de la nuit? Unasema nini njoo ya usiku? Sentinelle. Jamu. Que dis-tu de la nuit? Unasema nini njoo ya usiku? Verset 12. 12. Sentinelle répond. Jamu unasema. Le sentinelle répond. Jamu akajibu. Le matin vient. Asubuhi inakuja. La nuit aussi. Usiku na bo pia. Le matin vient. Usiku asubuhi inakuja. La nuit aussi. Usiku na bo pia. Si vous voulez interroger, kama mnaweza kuuliza, interroger. Muulize. Convertissez-vous. Mgeuke. Si vous voulez interroger, kama mnapenda kuuliza, interroger. Muulize. Convertissez-vous. Mgeuke. Et revenez. Na murudi. Frère, Duku. Ce monde ici, hii dunia hii, est en train de sombrer. Hii kunaenda kuanguka. Est dans le chaos. Quelque chose est sur le point de s'accomplir, est sur le point de se faire. C'est la vérité, bien frère. Le message ujumbe pour cette tête chaotique, juu ya hii wakati ya mbaya, ma sœur, dada yangu, mon frère, duku yangu, revenons en Dieu, turudirie ndani ya Mungu, convertissons-nous, tugeuke. Une personne se convertit, muntu mmoja anageuka, c'est changer de direction. Ni kubadilisha mwenendo yake. Monsieur le frère, duku mlamshi, quand je marchais comme ça, wakati kwa temba hivi, se converti, kugeuka. J'ai changé la direction. Sema mina badilisha mwenendo. Est-ce que vous êtes là? Etimuko pale? C'est le temps. Ni wakati. C'est l'heure. Ni ça. De sortir de toutes les distractions. Ya kutoka mulema kulenga makoti. De sortir. Ya kutoka. De tout ce qui n'honore pas Dieu. Ya bile biote bi mheshimishe Mungu. Dans nos vies. Mu maisha yetu. Dans ta vie. Mu maisha yako. Oui frère. Dio nduku. Le remover. Wakati kuya mbaya. Nous vivons les mauvais jours. Tunaishi wakati mbaya. À bientôt. Hapa sasa hapa. Quelque chose va s'accomplir. Kitu kimoja kitafanyika. Nous allons quitter cette terre, frère. Tutatoka pa hii dunia. Tout ce va rester. Ibiote bitabakia. Tout biote va rester. Bitabakia. Les maisons vont rester. Manyumba itabakia. Le travail va rester. Makazi tabakia. Les femmes vont rester. Banamke babibi watabakia. Les hommes vont rester. Batu banaume watabakia. Les véhicules vont rester. Magari tabakia. Frère, nduku. Convertissons-nous. Tugeuke. Prenons la préparation au sérieux. C'est la vérité. Romains chapitre 13. Écoutez bien mes frères et sœurs. 11e verset au 14e. 11e verset au 14e frère. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Ile ni amafa zaidi jumu na jua ni mwakati kani tuko. C'est important. Ni amafa. De connaître l'heure où nous sommes. Ya kujua sa tuko. C'est l'heure. Ni sa. De vous réveiller en fait du sommeil. Ya kulamuka toka usingizi. Car maintenant. Wani hapa sasa. Le salut est plus près de nous. Wokovu karibu nasi. Que lorsque nous avons crié. Kuliko wakati tuliamini. Quand Paul disait cela, frère, il ne pouvait pas savoir qu'après lui, il y aura sept âges de l'église. Est-ce que vous êtes là? Mais ce message ici est pour nous. La nuit est avancée. Le monde est avancé vraiment dans le mal, frère. Ce monde est dans les ténèbres. C'est la vérité. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous. Donc des œuvres des ténèbres. Élève-toi les âmes de la lumière. Ma sœur. Dada yang. Mon frère. Duku yang. Dépouillons-nous. Des œuvres des ténèbres. Matendo yote ya giza. Prenons la préparation sérieuse. Prenons la préparation sérieuse. Oui, père, mes frères et sœurs. Frère, postez. Continuez à poster. Verset 13e. Duku, marchons honnêtement. Honnêtement, c'est dans la sainteté. La sainteté et l'honnêteté, la sanctification, ce que nous avons par la parole, c'est la même chose. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loué des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, des impudicités, des querelles et des jalousies, que chacun de nous, cela veut dire frère, examine sa vie. Est-ce que ma vie, si le Seigneur venait aujourd'hui, je suis prêt à aller raconter le Seigneur? Je serai là. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitisme. Nous nous dépouillons des choses honteuses qui n'ont pas Dieu dans nos vies et pour revêtir Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ nous a demandé. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ nous a demandé. Oui, bien, mes frères et sœurs. C'est la vérité. C'est le temps. C'est l'heure de nous examiner par rapport à ce que nous avons entendu. Par rapport à ce que nous professions. Oui, bien, mes frères et sœurs. Si le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que je serai là? C'est la vérité, bien, mes frères et sœurs. C'est l'heure. Si vous voulez interroger. Si nous interrogeons la sentinelle, qu'en est-il de l'air que nous vivons? La sentinelle nous répondra. Que voyez-vous? Les femmes banamuki marchent nues dans les rues. Elles marchent nues dans les rues. Et devient de plus en plus léger. Et devient de plus en plus léger. Des femmes deviennent légères. Ne les convoite pas dans ton cœur. Nous vivons un temps mauvais. Oui, bien, mes frères et sœurs. Écoutez. Aujourd'hui, je serai un branamiste. Léo, je serai un branamiste. Mais oh. Et parce que nous ne lisons pas les prophètes. C'est nous qui croyons aux prophètes, pas eux. Et ne croient pas aux prophètes. Écoutez mes sœurs. La femme est le thermomètre. C'est ce que les prophètes ont enseigné. Nous sommes heureux quand nous voyons des sœurs s'habiller comme il faut, comme des filles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Quand nous parlons des femmes, quand je vais même lire ici, quand nous parlons des femmes là, on ne parle pas des sœurs. On parle des femmes mondaines. On condamne les femmes mondaines. Si toi qui commences à être condamné, nous prêchons ici, toi une fille de Dieu, tu te sens condamné, Alors là, faites attention. Ça s'appelle Keba. Ou bien tu ne marches pas comme il faut. Ou bien tu ne marches pas comme une fille de Dieu. Parce que nous condamnons ces femmes-là. Pas les filles de Dieu. Elles savent s'habiller. Elles vivent la sainteté. Elles servent Jésus. Dans leur corps. Oui, frère. Union invisible de l'épouse de Christ. Au paragraphe 91. Écoutez le constat du prophète messager. Ce n'est pas étonnant que les hommes se conduisent comme ça avec les femmes. La violence faite à la femme. La violence faite à la femme. Mais comment ces femmes-là, comment elles se conduisent devant les hommes? Comment tu te conduis devant les hommes? C'est parce que les femmes se conduisent comme ça avec les hommes. Si les hommes ne te respectent pas, si les païens ne te respectent pas, ma sœur, comme une fille de Dieu, les païens ne te respectent pas, c'est que tu ne marches pas comme il faut. Nous, quand nous étions des païens, hein, bien que des jeunes hommes, mais on avait peur des sœurs. On avait peur des jeunes sœurs de cette époque-là. C'est la vérité? Parce qu'elles se comportaient dignement. Mais il y a un ami qui me parlait ici que notre ami Bola. Un ami qu'on a gardé avec lui est mort. Je me souviens. Et il me disait, Didier, ne blague pas avec ces jeunes sœurs-là. Ne fais pas erreur avec eux. Ah, j'ai dit, c'est vrai. Oui. Oui. C'est Dieu. Il y a mon ami Eric qui me disait quand j'étais à Lubumbashi qu'il était déjà mort. Nous sommes séparés depuis l'enfance. Je me souviens ce qu'elle me disait. Hey, Didier, ne blague pas avec ces jeunes sœurs là. De ceux qui croyaient le message à cette époque là. Si les hommes se comportent mal avec les femmes, parce que les femmes se comportent mal au devant des hommes, mbele ya banaume. Écoutez, Mushiki. Comment elles se caractérisent par ces choses. Elles se paradent en short. Na beko na parader, marcher. Beko na tembea devant les hommes. Mbele ya banaume. En short. Mbele kuya ntu bintu atufubi. Le corps d'une femme, c'est comme ça que nous avons dit le mercredi que la sainteté pour une femme commence par la façon dont tu gères ton corps. Et sœurs, vous avez reçu de Dieu un temple sacré. Le temple d'une femme, le corps d'une femme est sacré. Vous avez reçu un temple sacré. Vous devez savoir comment habiller même ce temple. Comment vous agissez? Comment vous vous habillez? Comment vous marchez? Devant les hommes, frères, des ivrognes, des païens, et ces femmes-là, elles marchent ni là. Imagine avec des choses comme ça. Sa honte. Bila aya. Ça se gêne. Bila même ses frères, ses propres frères ont honte de la regarder. Dis-moi un peu. Devant un chef païen. Et toi tu marches comme ça. Que sera sa réaction? Qu'est-ce que tu fais au fond de lui? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous fondez chez mon amour que vous fondez chez ta fille, faut être musulman. Une femme ne doit pas s'azarder Faites attention au temps que nous vivons. Faites attention aux païens. Nous vivons un temps mauvais. C'est la vérité. Quand tu vas commencer à répondre au rendez-vous des païens, un jour ils vont te dépêcher. Ils te tuent. Et ils te jettent. C'est le temps que nous vivons maintenant. De kidnapping. Faites attention. Vous voyez un temps mauvais. Est-ce que vous êtes là? C'est la vérité? Les païens sont terribles. La parole de Dieu est une protection. Quand tu vis la vie de la parole, la parole te protège. On t'a enlevé, tu étais où? Pourquoi tu es parti répondre à ce rendez-vous? Tu connais comment un homme doit aborder une femme? Tu connais comment on doit te marier. Mais tu es parti répondre à ce rendez-vous là comment? Et si on te dépêche là, comme il commence à tuer les gens. Parce que tu es parti en secret que personne ne sache. On va te tuer aussi en secret que personne aussi ne saura. Nous vivons un temps mauvais. Nous vivons un temps mauvais. Quand nous sommes dans la parole, tu es sécurisé. Il y a beaucoup de choses hein, qui vont arriver aux autres. Ne vont pas t'arriver parce que tu honores la parole. Restez dans la... Nous n'avons même pas peur des maladies transmissibles de sida. On n'a pas peur de ça. Nous voulons seulement marcher selon la parole. Et la parole va nous protéger contre tous ces démons-là. Est-ce que vous êtes là? C'est la vérité. Nous vivons un mauvais jour, frère. La criminalité? Waji. Ah, frère! Anduku. La criminalité, Waji. Les hommes commencent à s'entretuer. Le commerce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est les membres des autres humains. Où va ce monde, frère? Le monde est en train de sombrer. Le monde est en train de sombrer. Même quand tu fais le taxi, si tu vois une personne suspecte, ne le prends pas. Non, amenez-moi ici. On y paraît qu'il y a. Vous arrivez là-bas, bon, amenez-moi encore là-bas. Faites attention. Est-ce que vous êtes là? Oui, frère. Le monde est devenu très méchant. Nous devons l'état ici, frère. Je reviens sur des femmes ici. Écoute. Les femmes se paradent en short. En vêtements cola. En vêtements d'hommes. En pantalon. Et marche à. Comment on appelle ça? Des body. Des seuls corps là. De collant. Ça serrait son corps. Ça dessinait son corps. Il marche comme ça. Devant les hommes. Et les hommes les regardent. Ça, Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il faut jeter les regards à. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il va commencer à regarder. Il va commencer à regarder. Et vous allez dire que non, la violence faite aux femmes. Les femmes se comportent mal. Elles savent. Même quand elle est mal habillée là. Elle a un grand miroir dans sa maison. Là. Mais elle ne s'habille pas à la maison. Elle s'habille dans la route. Oh, comment vous avez vu quelqu'un? Qui est déjà habillé? À chaque voilà. Ça qui n'est pas une jetée ni ça saute. Oh, qu'est-ce que tu as fait là? Ça c'est une fanine. Habillez-vous et soyez libre. Ce sont des démons. Ni ma démona. Ne les convoite pas dans ton cœur. Animé de mauvais esprit. Et tout. Dans la rue. Elle est là. À se trémousser. Quoi qu'elle dise. Tu peux parler. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. Et c'est trémousse là. Avec des pantalons collants. Même devant leur beau-père. Frère, faites attention aux païennes. Il n'y a pas un bon païen. Il n'y a pas aussi une bonne païenne. Si tu la convoites, tu la maries, tu la mets dans ta maison. Parce que toi, tu aimes de vite fait. Les enfants d'Abraham n'aiment pas des choses offélées. Gratuites. Il faut bosser dire. Si tu l'as pas, tu la mets dans ta maison. Si toi tu voyages, elle se libère. Et rentre encore là-bas. C'est ex. Tu vois? Les femmes ne sont pas là. Les femmes sont ici. Si tu la maries, elle sera ta femme à toi. Mais pas ces païennes là. Même qu'elle parle un bon français. Il n'y a pas une bonne païenne. Il y a que des mauvais païens. C'est la vérité. Oh, même il est chef là. Il a des dollars. Ne les convoite pas. Il te marie le soir. Le matin. Il va voir ailleurs. Faites attention. Oui, bien, mes frères et sœurs. Vous voyez? C'est comme ça que les hommes se conduisent mal envers les femmes parce que les femmes se comportent mal devant les hommes. Comportez-vous comme des saintes femmes. Oui, mes sœurs. La criminalité. On commence à se demander. Mais où irons-nous nous cacher? Sasa. Tafichama wapi? Nous allons nous cacher où? Tafichama wapi? Je suis en train de suivre des procès qui sont en train de passer à Kinshasa. Ni unafuata ile mabaraza unapita lo Kinshasa. Ah frère. Ah nduku. Que Jésus que se revienne. Yesu arudie tu. Nous ôter de ce monde frère. Kitoshe mu dunia nduku. Que Jésus que se revienne. Yesu Christ tu arudie. C'est la vérité. Ni bien quoi? Oui, frère. Dieu nduku. C'est l'affaire. Ni mwisho. C'est le chaos. Ni kwaribifu. Notre seul espoir. Matumaini yetu yote. Et le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni kurudia kwa hapa sasa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Oui, bien, mes frères et sœurs. Dieu bapenda ndugu na dada. Tous les signes sont là. Malama yote kwako. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Na Biblia inasema nini? Nous lisons rapidement. Tukuna soma haraka haraka. Nous avons encore un peu de temps. Aujourd'hui, je ne vais pas dépasser le temps. Jean chapitre. Allons dans Jean. Et nous allons lire qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas. Luc 21. Commençons par Luc 21. Et nous allons écouter ce que la Bible nous dit là-bas. Au verset 25. Écoutez. Il y aurait des signes. Dans le soleil. Dans la lune. Et dans les étoiles. Et sur la terre. Il y aura de l'angoisse. Chez les nations. Qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Aujourd'hui, il y a même des feux de brousse qui ravagent des hectares. Des inondations. Les météorologues sont en train de dire ba météorologue beyo nasema que ya kwamba le monde dunia a connu le mois de juin le plus chaud, le plus chaud. Il pata mwi mwezi ya sita yenye kwa kitu kabisa sana. Hii mwezi inaisha hii. Nous, quand on quitte là-bas, on vient ici. On dit que le Katanga au 6e mois, 7e mois, il y a le froid. Mais depuis que je suis là, je ne vois plus ce froid-là. Et le, qu'est-ce que l'information dit? Le monde dunia a connu le 6e mois ici, mwezi ya sita, le plus chaud. Mwezi ilikuwa yangu. C'est la vérité. Sana ni bia kweli. Le climat est en train de changer. Eh ma, ni halali ya dunia inabadilika. Ce sont des signes du temps. Ni malama ya mwakati. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Les hommes rendent l'âme de terrain dans la tête de ce qui surviendra sur la terre. Batu bia narudisha manafsi ya boka mukuchunga bila bitakuya pa dunia. Regardez comment COVID, la COVID. Mwangare vile maladi ya COVID. Asekwe, nous a secoué. Et tout tenkesha. Nous étions même bloqués. Tulikuwa hata wenye kushimamishwa. On ne venait même plus à l'église. Hatuanze kwenda kanisa. Enfermé. Tulikuwa wenye kujifungia. Frère. Nduku. Et les gens. Na batu. Ah. C'est vrai, hein? Kweri, hein? Les gens du message ont la raison. Hein? Mujumbe, nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Tuko wa kika mwakati ya mwisho. Ça, ce sont les signes du temps de la fin. Ni malama mwakati ya mwisho. Et les gens commencent un peu à voir une foi là, une piété là de la crainte. Après, Kisha, et ils ont repris tout. Est-ce que vous êtes là? Et nous, ce n'est pas la COVID qui nous dit que nous sommes dans l'état de la fin. C'est la parole de Dieu qui nous a déjà annoncé. Et nous lisons seulement ce qui s'accomplit devant nous. Écoutez bien, mes frères. Quand la puissance des cieux sera ébranlée, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, Léo, c'est le temps de nous redresser. Ni wakati ya kulamuka. Aujourd'hui, Léo, c'est le temps de prendre la préparation sérieuse. Redressez-vous. Parce que votre délivrance est proche. Prenons la préparation sérieuse. Parce que notre rédemption est proche. La rédemption de nos corps est proche. Oui, bien aimé, frères et sœurs. Que chacun de nous examine sa vie. C'est le temps, frère, ni wakati nduku, de prendre la préparation au sérieux. Ça ne sert à rien à un homme, kwa muntu, à une femme, kwa mwanamuke, de voir les signes de temps. Mais lakini, si les expériences kama maonjo, de la nouvelle naissance, ya kuzaliwa kwa mara ya pili, du baptême du Saint-Esprit, ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, ne soit pas devenu une réalité ayakuya kweli kwake, dans ta vie, maisha yake. Avril 2014, mars et avril 2014. Mwezi ya tatu na mwezi ya ine 2014. Dans le deuxième paragraphe peut-être. Comme. Pande ya pili. Non, dans le deuxième paragraphe. Nukta ya pili. La terre entière. Dunia yote mzima. Est frappée. Ni kwenye kupikwa. D'une manière ou d'une autre. Munamna moja wengine. Par des guerres. Kupitia mapigo. Mavita. Qui pourrait penser qu'en Europe, la guerre va revenir en Europe? Toutes les armes qui fabriquaient là-bas, la destination c'était l'Afrique. La destination c'était l'Afrique. Les chefs de bataille c'était en Afrique. Maintenant, Dieu les a confondus. Dieu les a confondus, frère. Écoute. Mushiki. des conflits. Ma kokotano. Des conflits parmi les nations. Ma kokotano katikati ya mataifa. Des famines. Manja. Des catastrophes naturelles. Malama ya waribifu ya asili. Ceci est le côté évident. Hii ni ngambo ya byakweli. Est le côté évident. Ni ngambo ya kweli. Et naturel des événements du temps de la fin. Ya asili ya mandamano ya bintu ya mwakati ya mwishi. Tous ces événements catastrophiques dont le monde est confronté, dont nous sommes confrontés aujourd'hui. Il est maman moi te mouba elle tout na pona leo. Oh non, on a tué une personne. Asema kule bari wa muntu. On lui a coupé ses parties. Bari mukata mabipande yake ya mwili. Frère. Donc est-ce que nous avons écouté des choses comme ça depuis quand? Et tu cherches ya bintu ya vita nje wakati kani? Que Dieu vienne nous ôter de ce monde. Mungu akwetu atutoshe mwi dunia. Soyons préfets. Prenons la préparation sérieuse. Nous servons un Dieu sérieux. Il a besoin de sœurs, de dada sérieuses. De frères sérieux. Écoutez. Mushiki. Nous clôturons ici. Écoutez. Mushiki. Que beaucoup peuvent voir. Ba mingi wataweza kuona les signes du temps. Hii malama ya wakati. Et reconnaître. Na kutambua ya kusema. Cependant. Japo. L'attention de vrai croyant. Ya angalisho ya baminifu babi ya kweli. Doit être attiré vers les promesses. Inapasha kuangalia kumama lako. Notre attention maintenant. Angalisho sasa yetu shele. Parce que les signes sont là. Ju malama iko hapo hapo. Doit être attiré. Inapasha wenye kuvutwa. Par les promesses. Kupit kumalako. Le Seigneur a dit. Bwana alisema. Quand vous verrez ces choses. Wakati mutaona vile vitu. Redressez vos têtes. Mulamushe bichwa. Votre rédemption. Ukombozi wenu. Est proche. Inakaribia. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale? Oui, bien mes frères et sœurs. Dieu mapenda ndugu na dada. Notre attention doit être attirée vers les promesses. Angalisho yetu inapasha kuangalia kumamalako sasa. Qui ont été données à l'église. Ile barileta ku kanisa. Pour les derniers périodes de l'histoire du salut. Tu as qui pande ki mwisho ki aokovu. Ya disi aokovu. Oui, bien mes frères et sœurs. Dieu mapenda ndugu na dada. C'est la vérité. Ni kweli. Ça ne sert pas à un frère. Aita saidia nduku. Ça ne sert pas à une sœur. Aita saidia dada. Ça ne sert pas à un homme. Kwa ça ne sert pas à une femme. Hata de voir les signes du temps. Ya mwakati, que vraiment. Ya kweri, le temps est mauvais. Wakati mbae, le temps, frère. Wakati nduku, l'économie par terre. Uchumi ishakuwa ni chini kabisa. Même le pays hyper puissant. De grève sur grève. Inakuwa, mnakuwa grève. Frère, où allons-nous? Nduku, tu kunaenda wapi? Est-ce que vous êtes là? Eti muku pale? Ça ne sert pas à un homme. Aita saidia kwa mtu mmoja. Ça ne sert pas à une femme. Aita saidia kwa mwanamke hata mmoja. De voir le signe du temps. Kuona malama ya wakati. Si. Kama. Les expériences. Maonjo. De la parole. Ya neno. La nouvelle naissance. Zali kwa mara ya pili. Tu n'es pas encore né de nouveau. Auya zali kwa bado mara ya pili. Ma sœur. Dada yangu. Tu peux voir les signes. Unaweza kuona malama. Tu peux reconnaître le temps que nous vivons. Unaweza kujua wakati tunaishi. Mais ce qui est important maintenant. Ni kwa kema fapa sasa. Que ni les expériences de la parole. Maonjo ya neno. Deviennent une réalité. Upate kuya kwako wewe ukweli. Dans nos vies. Mu maisha ya. Une réalité dans nos vies. Pas de quoi vous pouvez le marcher et tout. Faites une vraie expérience. Vous faites ma onjo ya kweli. Avec Dieu. Namun. L'expérience de la nouvelle naissance. Onjo ya kuzaliwa kwa mara ya pili. Doit devenir une réalité. Il n'a pas chaque fois quitté qui a quoi le marcher. L'expérience du baptême du Saint Esprit. Onjo ya ubatizo rom takatifu. Chacun doit se demander. Kila mtu anapasha kujiuliza. Est-ce que je suis né de nouveau? Eti niko mwenye kuzaliwa kwa mara ya pili. Je suis né de nouveau. J'ai le baptême du Saint-Esprit. C'est la vérité, frère. Car c'est notre attitude qui devait attirer notre mari. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, Apocalypse 17. Apocalypse 22, 17. Apocalypse 22, la Bible dit et l'Esprit. Naro. Et l'épouse. Na bibi harusi. Disent. Viennent. Kuja. Que celui qui entend. Ula nashikia. Ces choses. Ibi bitu. Disent. Viens. Kuja. Viens. Kuja. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Ma sœur, mon frère, dada yangu na nduku yangu, c'est le temps ni wakati de prendre la préparation ya kubeba matayarisho au sérieux. Na moyo wetu wote. Que le Seigneur notre Dieu Bwana Mungu wetu vous bénisse richement. Amibariki kwa utele. N'oubliez pas que le dimanche nous allons nous séparer. Mon séjour aussi dans le Katanga est en train de chuter déjà. C'est moi ici que je dois clôturer et retourner. Priez aussi pour la fin le dimanche. Appelez-les, donnez les invitations aux gens. Donnez les invitations aux gens. Nous allons même prier pour les malades et les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse richement.